son de caille, crame sur un son de caille. Alors t'as toutes les ragas. Ouais, ouais. Ton dans le. Ouais, ouais. Une fois de plus, la face technique. À l'inverse des 300 enseignes. En liberté provisoire, là si pas bavard. Rempli de pertes et trop d'histoires, pas si classe à battre. J'ai le farca, pourquoi pour moi c'est carpe là et garba. Été, sermon de conserve, non donc écarte sa mère qui régisse les mairies MJC. Les lycées, l'Elysée, les kiss des déguisés. Financement d'emploi, j'ai et les faire fier désespère. Finalement, emploi le gueule, bébé, béton sur des cons, j'dis la cause. De genre de rap, ça de Renoir, qui à cause. De genre de face, là se renoie sur le béton, sur le béton. Sa musique, le cerveau, la musique me berce gros. À l'inverse des 300 enseignes, vu foutu. La laverse d'une boîte à tranquille, qui nous tue. Si la vie nous prend à t'centune, si tout tue. L'insertion impossible, on s'est même démembré. À l'inverse d'une 300 enseignes, vu foutu. La laverse d'une boîte à tranquille, qui nous tue. Si la vie nous prend à t'centune, si tout tue. L'insertion impossible, on s'est même démembré. Dynam et son caille, crame sur un son caille. Alerte à toutes les ragas. Je parle pas au cas social incompétent, jeune con comme pas permis. Mais à qui veut stopper le deal, vive légal et sûr qu'il les portes se referment. Et que le diable engraine, que la dalle ronge comme la gangrène. La face tech antisociale à l'état lève le majeur haut vers le ciel. Je prends les devants et je laisse personne m'indiquer la marche à suivre. Avance face au vent comme Wallen, braille contre Babi L-O-N. Qui fait la même suivre le D-R-A-G-O-N. Qui extériorise la haine aux côtés de Mehdi et du D-Y-N-A-N. Aucune insertion d'une société qui me veut à sa botte. Je fais résister au test, monter la garde quand ça complote. On met le main, on se parle la main, le cul du système en mode. Car au judgment et nos textes pèseront en clarme de ceux qui nous combattent. À l'inverse du 300 enseignes,